Comme une oreille. Une émission de musique sous licence libre. Émission Comme une oreille, avril 2017, émission Chocolate Power, le pouvoir du chocolat, émission sur les musiques libres de diffusion. Bonjour, de retour sur Comme une oreille avec Emeline et Florian. Bonjour. Nouvelle recrue de l'émission. Donc on va vous parler, comme on vous l'a dit en intro, de la thématique du chocolat aujourd'hui, toujours sur les musiques en libre droit de diffusion. On va essayer d'un peu plus s'informer sur ces musiques libres de droit aussi, en plus de la présentation des groupes et des recherches qu'on a fait pour cette émission, sur demande de quelques personnes, vu qu'on n'était peut-être pas assez descriptif là autour. Et on a choisi la thématique du chocolat parce qu'on reçoit bientôt. Le prochain concert de Comme une oreille sera début mai, le 3 mai, au Café Quoi à Fort-Calquier. On recevra le groupe Chocolat Billy. Et donc, on vient d'entendre, là, on était accompagné d'un musicien qui s'appelle Elvis Herod, qui se définit, on a trouvé ça sur le site Free Music Archive, comme un alcoolique du nord-est de l'Angleterre, qui essaie de triturer ou former de la musique avec les différentes formes et genres qu'il peut trouver ou créer. Et que c'est pour lui sa manière d'aller contre la monotonie ou le chemin de la vie. Voilà, il n'y a pas énormément de choses. Aussi, on trouve beaucoup de musique sur ce site, Free Music Archive, mais il n'y a pas une grosse description de cet artiste, mais qui s'appelle Elvis Herod, voilà, avec des choses un peu ambiantes, du piano un peu trituré. Et là, on va continuer avec Change, Box of Assorted Chocolate Tears, donc boîte de larmes de chocolat assorties. Et on aura l'occasion dans cette musique d'entendre un instrument particulier qui s'appelle le Wood Hammered Dulcimer, qui est un instrument qui ressemble un petit peu à l'épinette des Vosges, et où en fait c'est une boîte de résonance un peu trapézoïdale avec des cordes, mais qui ne sont pas pincées comme dans l'épinette des Vosges, mais sur lesquelles on tape avec des petits marteaux en bois. Donc écoutez bien. Et on continuera aussi avec la chanson de Yerkes American Marimbaphone Band, un groupe très ancien, début du XXe siècle. On y reviendra après et là on entendra de la marimba. Got angry, words got loud, and the cockroaches could hear. They sat there open mouth. The sample are box of assorted chocolate tears. And the cockroaches could hear. They sat there open mouth. The sample are box of assorted chocolate tears. C'était à l'instant Yerkes American Marimbaphone Band avec la chanson Tishomingo Blues Introducing Some Chocolate Drops. Et avant, on a entendu Change avec Box of Assorted Chocolate Tears. On voulait revenir un peu sur les instruments, mais tu parlais de l'instrument de Change là, qui est le, tu peux nous rappeler? Alors, le hammered dulcimer. Et donc, c'est un instrument de musique à cordes frappées, à distinguer du dulcimer des Appalaches, qui est un instrument à cordes pincées, cousin de l'épinette des Vosges. Et ouais, ça ressemble un petit peu à un cymbalum ou à un psaltério. Il y a plusieurs instruments qui se ressemblent un petit peu dans toute l'Europe, qui ont voyagé dans toute l'Europe, qui ont souvent des titres différents. Et pour dire un mot sur Change, donc lui, il est aussi adepte des musiques sous Creative Commons, à utilisation non commerciale. Et il a commencé en 99 et il a expérimenté dans, on dit, de la pop musique expérimentale avec l'instrument que tu détaillais, le Hammer Dulcimer, et qu'il a été dans beaucoup de différents projets avec une collaboration aussi avec un groupe de 30 artistes autour de Brooklyn, Austin et Oakland. Et en plus des sons là un peu triturés qu'on a entendus, il a beaucoup aussi travaillé le songwriting, la voix. On l'entend pas beaucoup sur cette chanson-là, mais sur d'autres, c'est plus présent. Voilà, c'est un mot pour Change. Et après, donc le groupe de marimba qu'on a entendu, qui s'appelle Yerkes American Marimba Phone Band, vient d'une personne qui était musicien de marimba dans le début des 20e et qui a sorti ses enregistrements entre 1919 et 1921 pour les premiers chez Columbia Records. On entend un peu ce son, ce vieux son début du 20e. Du ragtime. Comment tu dis? Ragtime. Ragtime. Et il a assemblé différents enregistrements, du jazz. Il a été connu aussi pour un autre groupe qui s'appelait Yerkes Jazzarimba Orchestra. Et il a commencé sa carrière en 1906 en jouant du xylophone, justement. Et semblerait-il qu'il a un peu transformé le xylophone en mettant en dessous des chimes et des cloches, en fait, pour, si je comprends bien, pour que la résonance soit plus forte, quoi. Donc il a transformé le mécanisme, quoi. Un avant-gardiste, on les appelle. Ben, on va continuer. Et donc c'est ta sélection, je te laisse la présenter. Alors, donc nous allons écouter maintenant P-Bug avec une chanson qui s'appelle Deep Dark Chocolate Homo Beauty. Donc, beauté homo d'un profond chocolat noir. Et c'est une chanson un petit peu déstructurée. Je pense qu'il a pris un peu trop de chocolat. Et on enchaînera avec Lorenzo, musique, chocolate and cocaïne. Le chocolat et la cocaïne, et on va voir, c'est vrai qu'une des perceptions d'envie de bosser autour de ce chocolat, c'est de voir si le chocolat est une musique dure. On va voir avec ces deux groupes-là, donc P-Bug et Lorenzo Musique. It's melting off my chest like a desert cone with a vestige left. Your area steep and swollen, calling up Mike Bolin, an African man. Gonna let me in on his plan to eat the pineapple pizza like a Mr. Woodruff Sands. Do you change your world? Do you laugh at the little ants on your picnic basket? Jesus, change the subject of Mount Death on the person of the area. Don't mean to scare ya, but I'm triple dog daring you to die real slow. Got my camera, I'll photograph your agonizing movements to your grave, lady. Oh man, you're gonna get a death pan. Paler than a dwarf. Sipping marmalade out of my shack. You want a photograph of that? Visit my website. Can you teach me about your foolishness and agony? Meet me at the mall. I'll hang you with a tongue. I'll remove you from love. No one left it dizzy. Gillespie. changing you. With a mountain of death, change you like the rest. Just watching your funeral on videotape, 1983 coming at ya. On a new LP, it's coming way. Chocolate and cocaine. Alors, c'était donc Lorenzo's Music, Chocolate and Cocaine. Et avant, nous avons écouté P-Buck Deep Dark Chocolate Homo Beauty. Et donc, P-Bug, c'est comment c'est décrit sur Free Archive Music, Free Music Archive. Ces chansons ont été construites pour nous, toutes par une créature rare. Et vous pouvez les écouter en prenant une respiration profonde et laisser l'instrument de votre âme être la seule trompette qui vous guide à un lendemain distant. Et Chocolate and Cocaine, c'était de Lorenzo's Music. C'est parce qu'on se disait que quand même le chocolat et la cocaïne, on pourrait faire des parallèles. C'est quand même un peu une drogue. Et on a trouvé d'ailleurs sur internet un article qui nous explique que le cacao aujourd'hui se sniffe avec une catapulte et remplace la cocaïne. C'était dans les soirées où la démocratisation de la drogue était en train d'en blaser plus d'un. Doses trop violentes, pilules coupées à tout et n'importe quoi, qualité médiocre des cristaux. Aujourd'hui, on innove et tente de nouvelles expériences comme le cacao. Un peu bizarre, non? Oui, on est bien d'accord sur ce point, mais c'est malgré tout plutôt intriguant. Et donc, il y a un chocolatier belge qui a inventé une catapulte à chocolat, qui fait un peu comme le sniff de la cocaïne. Et en fait, ça reproduirait les mêmes effets que la précieuse colombienne, parce que les alcaloïdes présents dans le chocolat font de lui un puissant stimulant du système nerveux, tandis que le magnésium et les amines lui confèrent des propriétés antidépressives et euphorisantes. En gros, le cacao active les mêmes zones neuronales que la drogue et augmente la production de sérotonine, hormone du plaisir. C'est un bon programme. On commence à avoir des pistes de réponse par rapport aux effets du chocolat dans la musique. Juste avant de continuer dans cette ligne-là, pour dire deux mots sur Lorenzo Music, trouvé aussi sur Free Music Archive, c'est donc avec les musiciens Tom Ray, Mark Vidcombe, Rob Gugel, Brian Elliott, Cliff Hammer, Eric Brusewitz, qui là nous envoie dans un... Moi, je sentais un peu de rythme de UB40, mais c'était un peu exagéré, mais avec des consonances, différents instruments. Ils utilisent beaucoup de cuivre et aussi le saxophone. Et comme référence musicale, on donne quand même, pour les gens qui connaissent, le groupe Morphine de rock et le génial Firewater, qui mélange du rock, du swing, du gypsy, je crois, anglais. Et donc voilà, ils expérimentent beaucoup et ils remixent aussi des sons de manière assez conséquente. Et en tout cas, sur leur collectif qui s'appelle Lorenzo Music, ils invitent aussi à des musiciens à donner de leur son, de leur musique, pour pouvoir les réutiliser et les remixer. Voilà, ils ont un site qui s'appelle Lorenzo Music. Et donc, ils viennent du Wisconsin aux États-Unis et ils sont actifs depuis 1997. Et on va continuer dans ces expérimentations ou ces dépendances au chocolat avec un groupe qui s'appelle Los Margaritos, qui nous vient du Mexique, avec Sobredosis de Chocolaté, l'overdose de chocolat. Et on continuera avec Oso el Roto, Leche con Chocolaté. Chocolate con el que también me quedo, no me entiendo nada. On vient d'entendre dans l'ordre Los Margaritos Sobredosis de Chocolaté. Comme vous l'aurez peut-être entendu, c'est un punk très crado, on va dire. Et ils sont originaires du nord du Mexique, de l'état de Monterrey, un état assez ouvrier où il y a une scène rock et punk quand même assez conséquente. Et c'était voilà, l'overdose de chocolat. Parce que il a trop utilisé le chocolat shooter. C'est comment ça s'appelle, la catapulte à chocolat. Et la catapulte à chocolat, tu peux nous dire deux mots? Alors, apparemment, elle a été vue la première fois à l'anniversaire de Ron Wood, des Rolling Stones. Et donc, la machine à sniffer du cacao en poudre a été inventée par Dominique Persoon, soucieux de la défense de ces derniers. C'est donc le chocolatier belge qui a mis au point cette catapulte, qui envoie quelques milligrammes de poudre dans chaque narine pour allier les vertus du chocolat à la gestuelle bien connue de la prise de cocaïne. Et donc, dans sa boutique située à Anvers, notre petit Dominique vend un kit de défonce comportant le chocolate shooter, deux sortes de cacao aromatisés et un guide d'utilisation pour la modique somme de 45 euros. Et ouais, c'est moins cher que le gramme de coke. Avis aux amateurs et aux amatrices. Et après, on a entendu Osso el Roto pour se casser ou fracturer. C'est un musicien, un groupe français qu'on a passé quelques fois avec d'autres groupes aussi dans Commune Oreille, qu'on aime beaucoup, qu'on avait vu aussi en concert. Et la chanson s'appelle Leche con chocolate. Au lieu du chocolat au lait, c'est le lait au chocolat. Et voilà, il est bien barré en tout cas. Il fait des expérimentations sonores, lo-fi, rock, très intéressantes. Voilà, ça vous pouvez aussi le trouver. Il a un site, ça s'appelle osoelroto.free. .fr ou sur Free Music Archive aussi. Et les deux dernières, on a entendu un groupe qui s'appelle Dark Chocolate Chips avec les chansons Knowledge is Power et Everything is a Competition. Le pouvoir de la connaissance et tout est compétition. Et là, c'est le nom du groupe plutôt, les chips au chocolat noir qu'on vient d'entendre. Et on va continuer cette thématique et ces groupes avec des musiques autour du chocolat. Avec deux chansons et groupes. Un drone, là on va être dans la musique un peu dansante, délirante et rigolote avec la chanson Cannabis Lace Hot Chocolate. On continue un peu dans la même surfback chocolat et drogue affiliée. Et on fera une petite interlude musicale avec Olga Scotland, Chocolate Tree, l'arbre au chocolat, à ne pas confondre avec Chocolate Tea, le thé au chocolat. Voilà, tout de suite drone et Olga Scotland. A grandmother who says she cooks with cannabis to ease her depression has been found guilty of growing and possessing the drug. More on that, more on the day's news. A potency monitoring project indicating an increase in the strength of cannabis's primary psychoactive ingredient, THC or tetrahydrocannabinol. Thank you. On vient d'entendre la petite interlude d'Olga Scotland avec Chocolate Tree, l'arbre à chocolat. On en rêve tous, hein, de pouvoir avoir le chocolat à disposition de main. Et avant, c'était Drone avec Cannabis Less Hot Chocolate. Le cannabis dans le chocolat chaud. Mixé avec le chocolat chaud. Mixé avec le chocolat chaud. Et Drone, ben, toujours sur la bande sonore Free Music Archive, qui est une bible des musiques en libre de droit de diffusion. Et on nous dit que ce musicien a commencé à enregistrer ses chansons sur téléphone portable et qu'on peut mesurer ses efforts par le nombre de cartons de pizza dans sa chambre. Jean-Baptiste nous aurait dit que c'était le tube de la session, le tube dance. Voilà, Jean-Baptiste, qu'on salue, il est en vacances. Et il nous a en tout cas proposé pas mal de chansons, une partie de la playlist et de ses propres recherches. Et pour redire quand même, vu que les gens nous en parlent, on va revenir aussi sur un site qui s'appelle musiclibre.org où il y a beaucoup de documents qui parlent de ces différentes licences en Creative Commons, hein, pour rappel, qui sont ces possibilités d'avoir accès à la musique sans payer de droits, vouloir des droits d'auteur qui seraient déposés à un institut comme la SACEM qui gère les droits d'auteur en France. Et il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle musique-libre.org et j'ai vu annoncer qu'il y allait avoir un premier sommet international bientôt entre le 28 et 30 avril à Toronto au Canada pour parler de ces licences, et pas que de développer du libre, mais tout ce qu'on partagerait et ce qu'on mettrait en commun. Voilà, il y a trois jours un peu de discussion là autour, hein, qui sont pas que de vouloir développer sa musique gratuitement, parce que pour rappel, des gens peuvent proposer dans les différentes licences de CC, donc Creative Commons, des possibilités d'utilisation pour l'écoute, pour la diffusion radio, et après quand même ça n'empêche pas les groupes de vendre leur production ou d'essayer de vivre de leur musique. Il y a des gens qui ont, après leur disque, qui en achat sur les sites de Bandcamp, par exemple. Voilà, ça c'est libre choix. Et on a reçu il n'y a pas longtemps Artus en concert, et vous les entendrez bientôt dans une interview, qui eux sont vraiment dans l'idée de créer des licences qui leur donnent plus de droits ou plus de possibilités de retour sur leur musique et pas gérées par un institut extérieur comme la SACEM. Et on le rappelle, 2017 est l'année de la musique libre de droit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs événements qui se passent autour de ça et pour réfléchir autour de ces licences et de notre rapport aussi au business de la musique, quoi, de comment c'est géré par des entreprises privées qui finalement récoltent des sous pour les plus grands et pas forcément pour les artistes qui commencent et qui ont aussi besoin de vivre, en fait. Voilà, le débat sur la SACEM est un long débat. On l'a vu aussi un peu très vite avec les Ocs de Barbac et les Hurlements de Léo qui sont déposés et se posent des questions là-dessus quand on les avait rencontrés à Mazan. Et en tout cas, pour dire que c'est vrai que la SACEM y récolte des droits et que tous les gens qui sont déposés là-bas vont avoir des certains droits qui leur sont reversés en année. Mais pour les petits, des fois, c'est quelques dizaines et centaines d'euros. Et souvent, ça va pour les gens qui vendent déjà des millions de CD. Et après, les frais de salariat et de gens qui vont vérifier toutes les structures qui passent de la musique sous droit. Bon, on continue. Là, on va dans la partie francophone et aussi assez marrante avec des musiques quand même bien construites. Le premier s'appelle Manuel Gig Grotesque et le titre s'appelle « J'ai la patate » dans le style des Chocolat Billy quand ils sont énervés. Et la deuxième, Miss Emma, dont vous parlez vite tout à l'heure, on y reviendra après, qui nous chante une glace au citron. Vous pouvez appeler au standard si vous arrivez à trouver la connexion entre le citron et le chocolat. Bien. Je fais des trucs. Et quand ils me demanderont si ça va, je leur dirai « Ouais, j'ai la patate, j'ai la patate, j'ai la patate, j'ai la patate, j'ai la patate, j'ai la patate. » Pépépépépou, pépépépépou, pépépépépou. va bien, je fais des trucs. Tout va bien, je fais des trucs tous les jours. Et quand ils me demanderont si ça va, je leur dirai, ouais, j'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la patate. Voilà, pour moi c'est ça le tube. Et c'était donc Miss Emma avec une glace au citron. Et en fait c'est une jeune fille qui a à peu près une dizaine d'années. Et donc la chanson qu'on vient d'entendre, c'est la première chanson qu'elle a écrite. Et donc elle a écrit les paroles et une glace au citron. Et c'est son père qui l'a accompagnée avec la guitare. Et donc là on voit qu'elle a quand même écrit une quinzaine de chansons. Elle est à Chambéry, donc elle est en France, et c'est la fille de Juan Naveira, créateur du groupe The Juanitos. Et il paraît que cette chanson « Glace au citron » est devenue un hit sur Internet. T'as raison, c'est aussi un tube. On écoutait avant Manuel G. Grotesque avec la chanson, je l'avais un peu détournée, « J'ai la patate dans le style de Chocolat Billy, un jour où il s'engueule ». C'est bien fait musicalement, dans les choses du burlesque, et pareil, à nouveau, il a un site los-ms.deloso.free.fr, et c'est un peu dans les mêmes vagues de groupes de ceux qu'on vient de citer, Oso El Roto, Juanitos, qui font partie un peu du même groupe. C'est de la pop bizarro, lofi, bruit, sale et mal poli. Dégulis de MP3 en grande quantité. Donc voilà, c'était... Donc Manuel G. Grotesque et Miss Emma. Ben, on va continuer, on se dirige gentiment sur la fin de cette émission de Comme une oreille autour de la thématique du chocolat. On a encore deux choses. On va quand même vous passer Chocolat Billy, dont on vous rappelle qu'ils passeront en concert à Fort Calquier au Café Quoi dans quelques semaines, le 3 mai. Et avant, on a encore une chanson qui s'appelle Emily Gratham avec Coconut Flesh from Chocolate Syrup. Et on y reviendra un peu. C'est des voix un peu dissonantes. Ça fait penser un peu à The Devix ou Coco Rosie. Enfin, on vous laisse écouter, on y reviendra après. Donc Emily Gratham et Chocolat Billy à venir. Thank you. Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre Emily Grantham avec la chanson Coconut Flesh from Chocolate Syrup, électro-distro, pour aller vite, avec une voix très présente. Aussi sur, elle est basée sur Free Music Archive, vous la retrouvez avec un album complet, Chocolate Syrup. Elle est basée à Sydney, elle a étudié les compositions et les expérimentations plutôt dans le genre électronique. Et elle a pris des leçons de piano depuis son plus jeune âge. Voilà pour Emily Grantham. Et là, vous venez d'entendre Chocolat Billy avec la chanson La Hache que vous pouvez retrouver sur Bandcamp avec l'album Jack et ses diverses compagnes. Et voilà, que vous pouvez écouter gratuitement, mais où vous pouvez aussi acheter leur CD ou leur vinyle. Ils sont originaires de Bordeaux en France et on vous rappelle, ils seront bientôt en tournée à partir du 2 mai et 3 mai à Fort-Calquier. Voilà, on finit cette émission avec Pornophonique et Chocolate Sky pour finir dans le ciel du chocolat. Et on va terminer tranquillement en vous disant que c'était Emeline et Florian pour cette émission de Comme une oreille, musique en libre droit de diffusion avec l'émission Chocolate Power. Ciao, ciao. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Voilà, on termine cette émission, comme on vous l'a dit, avec Pornophonique, Chocolate Skate, Sky, pardon, et vous pouvez retrouver Comme une oreille tous les deuxièmes lundis du mois sur Radio Zinzine à 11h, rediffusion le dimanche qui suit à 20h, et sur le blog communeoreille.blogspot.fr et les sites freemusicarchive.org et musique-libre.org pour les références et la matière sonore assez conséquente. Et aussi pour vous dire que sur Musique Libre, ils organisent une élection du titre de l'année, Musique Libre 2017, dont vous pouvez participer. Voilà, à bientôt. Comme une oreille. Une émission de musique. Une émission de musique. Une émission de musique sous licence libre.